inspiré. Louer l'éternel des armées. Du Seigneur son amour qui jamais. Son amour et sa bonté ne sont que parfaits, oui parfaits. L'excellence à l'état pur. Pour ce monde, je donne la joie pourvu que ça dure. T'assure, à bonheur et moi ce qui perdure. Une victoire glorieuse, certaines blessures. Chrétien et fier de l'aide, je veux le louer, mon Dieu, mon roi. Célébrons-le, car il vit en nous. Acclamons-le, le roi est sur son trône. Vous qui respirez, louez l'éternel des armées. L'éternel, pour tous ses bienfaits qui fait dans nos cœurs, revêtus de son épée, mon corps entier se met à vibrer. Mon esprit confessera toujours les bontés de l'éternel des armées. Yeah, yeah. Alléluia, poussez des cris de joie.